épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Xavier, Tristan et Armand. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va, merci. Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Vas-y Xavier, honneur au plus ancien. Ouais, celui qui arrive en retard aussi. Non, bah moi, je sais pas, Xavier, il faut que je donne mon âge, si je suis le plus ancien ou... Oui. D'accord. Bah moi, j'ai 43 ans, je fais de l'escalade depuis que je suis arrivé au lycée, ça doit bientôt faire 30 ans. Et je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite à Saint-Étienne-lès-en-Viermont et j'ai un projet avec Tristan Viermont d'ouvrir une salle d'escalade. Bah moi c'est Tristan, j'habite au haut du Taux dans les Vosges, voilà, moi je suis du coin, quel âge j'ai moi, 31 ans, et puis ben ça fait aussi pas mal de temps que je grimpe, que je fais un peu pas mal de trucs dans ma vie, et puis là je me suis dit faut qu'on fasse cette petite salle d'escalade avec Armand et Xavier, et puis ça suit son cours, c'est bien, on est content. Bah moi c'est Armand, du coup moi je viens de Haute-Saône à la base, mais maintenant je suis à Saulx-sur-Moselotte. Et du coup, bah, je connais Tristan depuis le BTS. C'est là qu'on a commencé à faire nos premières fêtes et tout. Et maintenant, bah, voilà, quoi. Ils m'ont dit de rejoindre la team pour faire une salle d'escalade. Donc, j'ai dit, allez, ça part. Ça a l'air trop cool. Et voilà, aussi, je grimpe un peu depuis une paire d'années aussi. C'est quoi Open Block? Ben, moi, je veux bien expliquer ce que c'est Open Block. Hop, déjà, c'est le houblon en anglais. Et comme on est tous des amateurs de bière, et puis que dans toutes les salles d'escalade, il y a forcément un bar où on boit de la bonne bière. C'était forcément, ça faisait partie du nom. Il fallait qu'on trouve un truc avec ça. Le bloc, ben, en fait, nous, on va faire une salle de bloc en escalade. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a plusieurs pratiques de l'escalade et nous on veut faire une salle de bloc, donc forcément hop bloc, et puis après fallait mettre un peu de rock'n'roll là-dedans, donc on a fait le apostrophe N et ça fait open block. Et en plus le hop c'est aussi le petit onomatopée, le petit saut vers le haut, hop, et puis phonétiquement on peut aussi dire que open c'est ouvert, et nous on veut que notre salle tout le monde puisse y aller. Ouais, que soit ouverte à tous et que tout le monde puisse se retrouver dans cette salle. Et depuis quand elle existe justement? Bah pour l'instant elle existe par intermittence entre guillemets. Parce que donc il y a quelques mois, on a acheté donc les bâtiments qui se trouvent à Saint-Étienne-lès-en-Miremont là, dans la zone artisanale du Vélodrome. Pour l'instant, la salle n'est pas vraiment ouverte parce qu'on n'a pas fini encore de faire tous nos travaux. On n'a pas encore le financement pour faire toutes les infrastructures qui seront dans la salle. Donc on a décidé un peu pour se faire connaître et puis pour voir s'il y avait de la demande, pour voir les futurs usagers de la salle, ce qu'ils voulaient, leurs demandes. On s'est dit, on va faire un petit fronton de bloc, un petit mur d'escalade pour un peu parler de notre projet et voir si ça mord, quoi. Et donc voilà, on a organisé des événements donc depuis le mois d'avril, donc avril, mai, juin, oui c'est ça. Ouais. Et donc un par mois, et donc on a prévu de faire ça jusqu'à septembre, donc pour parler du projet quoi, et puis nous convaincre nous aider à convaincre les banques et puis commencer à se faire notre petite communauté de clients et puis parce que nous on était pressés, on avait envie qu'il commence à se passer des choses quoi, donc et puis passer des bons moments aussi quoi. Ouais, carrément. Alors, je vous demanderai de faire une petite présentation de l'équipe, notamment de Manon, qui vous a rejoint. Donc à la base, il y avait Xavier et Tristan qui ont lancé le projet. Et ils m'ont demandé de les rejoindre aussi. Et moi, j'étais chaud aussi. Et en fait, il y a Manon, qui est du coup prof de PS et spécialisée avec une spécialité escalade. Et en gros, elle grimpe à Éloi avec Xavier. C'est là ouais. Que tu l'as rencontrée. Ouais, bah c'est encore plus rigolo que ça. C'est qu'en fait, c'était une de mes voisines. Elle était coloc. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et après, effectivement, au club d'escalade d'Éloi. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, elle s'est dit, mais en fait, c'est cool votre truc, ça m'intéresse. Ouais. Elle a vraiment envie de s'investir beaucoup, de donner de son temps pour ça. Donc, ça s'est fait un peu naturellement, entre guillemets, qu'elle rentre aussi dans le projet avec nous. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler tous ensemble? Je pense qu'on a envie de faire bouger un peu notre région, et puis on a envie de faire un truc qui nous plaît, ce qui est l'escalade, et... Il n'y a pas du tout ce genre d'activité dans le coin. La salle la plus proche, elle est à Nancy, Colmar ou Mulhouse. Et on est quand même dans une région qui bouge avec des sports outdoor. Et c'est vraiment un manque. Et puis, ben, On s'entend très bien, on sait tous faire des concessions sur plein de choses, on sait communiquer, et puis ça nous fait vibrer, ça nous motive, donc je pense que c'est en grande partie pour ça qu'on a décidé de faire ça ensemble. Ouais, en fait, moi c'est clair que j'ai déjà mon entreprise, d'ailleurs Tristan Armand bosse avec moi sur d'autres sujets, et depuis longtemps je me dis si un jour je me relance dans un projet... c'est clair, je le fais pas tout seul, quoi. C'est trop de poids sur les épaules de gérer une boîte tout seul et le faire à plusieurs, faire un travail d'équipe, se répartir les tâches, se motiver quand il y en a un qui a un coup de blues ou au contraire, faut qu'on prenne un peu de recul pour faire les choses bien et voilà, pouvoir en discuter tous ensemble, c'est quand même vachement plus agréable que de devoir tout faire tout seul, décider tout seul. Moi, en tout cas, c'était vraiment une de mes grosses motivations, c'était si j'en fais un projet, je le fais pas tout seul. Et c'est vrai que pour juste revenir un peu un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que depuis Xavier, lui en tout cas, ça fait quoi, 10 ans, plus de 10 ans que son travail c'est de fabriquer des murs d'escalade un peu partout en France et dans le monde. Et donc comme il disait juste avant, nous on l'a rejoint il y a plus de 3 ans maintenant, donc on travaille avec lui pour fabriquer ces structures artificielles d'escalade dans des gymnases, dans des salles, hein, en extérieur aussi, pour des compétitions, etc. Et du coup, on est tout le temps en déplacement pour le travail, donc pour aller fabriquer ces murs. Et en fait, on s'est dit, on le fait ici, quoi. En fait, c'est vrai, depuis que moi je suis installé, ça fait maintenant pareil 10 ans aussi que je suis installé dans les Vosges, et à chaque fois, je me dis, bon, il y a bien quelqu'un qui va ouvrir une salle d'escalade. Là, moi, j'ai envie d'aller grimper le week-end quand je rentre de ma semaine de boulot. Et puis, il y a rien, de temps en temps, un bout de projet qu'on entend vaguement parler par-ci, par-là. Et un jour, trop marre, on dit, c'est bon, hein. De toute façon, on est quand même plutôt bien placé. Notre métier, c'est de monter des murs d'escalade. C'est bon, quoi, on va en faire un ici. Faut qu'on arrête d'attendre. Oui, ouais. Puis vu qu'on se connaît maintenant depuis 3 ans, on s'est dit, allez. On peut le faire ensemble. Ouais, c'est clair. Ça passe. Exactement. Et comment ça se fabrique un mur d'escalade ? Oh là là, ça c'est une grande question, ça. Ouais, ça reste du bâtiment. Hein. Ouais. Une bonne visseuse, quelques vis, on fait des trous. Des bouts de bois, des bouts de panneaux. Ouais. On coupe, on visse, on trouve et à la fin, pouf, ça fait un mur d'escalade. C'est un peu comme un gros mécano, quoi. Ouais. Bon, après, il y a quand même des études derrière. Les panneaux sont découpés à la commande numérique. C'est un peu comme un puzzle en 3 dimensions. Donc chaque pièce a bien sa place bien précise et puis le résultat à la fin il doit être quand même esthétiquement agréable à voir, donc faut qu'on soit précis pendant le montage, ça demande quand même quelques compétences, un peu d'expérience, mais par contre c'est vrai que ce boulot de chantier, d'ailleurs comme beaucoup de chantiers du BTP, au début il y a rien et à la fin il y a le mur qui est là, quoi. Ça c'est le côté très satisfaisant de ce job. Et le mur le plus haut que vous avez fait, il fait combien à peu près? C'était CMC à Mulhouse, ouais. 25 mètres de haut. Waouh. Ouais, ça c'était assez impressionnant, ouais. Est-ce que vous faites de l'escalade que sur des murs d'escalade ou est-ce que vous avez déjà fait de l'escalade en montagne par exemple? Oui. Moi perso je fais plutôt de l'escalade, alors c'est pas, ça dépend ce que vous appelez de l'escalade en montagne. Moi je fais l'escalade en falaise, donc c'est en extérieur, mais c'est pas forcément de la haute montagne, de l'alpinisme, c'est vraiment de l'escalade pure, de l'escalade sportive, même si c'est en extérieur. Et vous avez un équipement particulier j'imagine pour ça? Oui, on a des harnais, cordes et des gaines, enfin l'équipement classique de tout grimpeur qui se respecte. Les chaussures à crans? Non, non plus, ça c'est plus côté alpinisme, ouais. les piolets, les crampons. Ouais, quand on fait de l'escalade, c'est plus, ça va être des chaussons d'escalade plutôt, donc c'est des chaussons, souvent c'est une ou deux pointures en dessous, et ça fait mal aux pieds, mais au moins ça accroche bien à la paroi. Ouais, bien résumé. Open Block, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc c'est à Saint-Étienne, donc c'est la zone artisanale du Vélodrome, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Donc on est en face de la brasserie La Madelon, en face de chez Beauvais, puis il y a Passivaume aussi qui est là. Donc il y a chez Chou aussi, garage chez Peugeot. Peugeot là. Ouais. Donc voilà, c'est dans cette zone-là, on est à 100 mètres du plan d'eau quand on passe en dessous du pont. Donc, et à 50 mètres de la piste cyclable. La voie verte passe juste à côté. Et en vrai, on n'est pas loin même de la gare et du centre-ville de Remiremont. Hein. Enfin, la sortie d'autoroute aussi de la 4 voies. Enfin, c'est pas l'autoroute, c'est la 4 voies là, mais on a la sortie qui est juste là. Enfin, c'est vrai que stratégiquement, on a mis du temps à le trouver ce bâtiment, mais je crois qu'on est pas trop mal placé. Ouais, c'est cool. Ouais. Et on peut y aller quand? Et ben la prochaine fois là, donc je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais donc on a ouvert des créneaux là entre le 26 juin et le 10 juillet. Donc on aura quelques créneaux ouverts là, donc avec une entrée à 5 € pour une soirée d'escalade, quoi. Donc ça, on peut retrouver les éléments sur notre page Facebook ou Instagram. Donc il y a les créneaux horaires où la salle sera ouverte. Et il y a ce prochain événement aussi. Et il y a un prochain événement, ouais, du coup, qui sera le 8 juillet. Donc c'est un samedi. Donc ça, c'est un événement gratuit qui est ouvert à tous. C'est plus pour, c'est de la découverte vraiment, où là, on fait de la buvette restauration en plus de l'accès libre à la salle. Donc le 8 juillet, ouais. Alors ce qu'on peut préciser, c'est que dans la salle, il y a donc ce fameux mur de bloc avec des gros tapis. Donc là, il n'y a pas besoin de matériel. On grimpe. Si on tombe, on tombe sur les tapis. Et puis on a un petit bout de mur, on appelle ça un mur à cordes, où là, ça monte jusqu'à 6 mètres. Il faut mettre un harnais. Il y a un système d'assurage, etc. Les enfants adorent, en tout cas. Mmh. Les derniers événements, c'était la queue. Ouais, parce que donc nous, dans le futur, pour notre salle, quand on aura fait tous les travaux qu'il faut faire dans la salle, donc on aura potentiellement deux choses. Donc c'est les deux disciplines différentes, comme il disait Xavier. Donc le bloc, donc c'est un mur qui monte à 4,50 m de haut, qui est au-dessus de tapis de réception, qui mesure 40 cm d'épaisseur. Et donc on monte sans être encordé, donc pas besoin de harnais, on peut monter tout seul. Et si on chute malencontreusement, on retombe sur les tapis, comme ça on se fait pas mal aux fesses, quoi. Et à côté de ça, on aura aussi un mur à cordes. Peut-être que tu veux parler du mur à cordes, Armand. Du coup, ouais, en fait, à la base, ça devait être qu'une salle de bloc. Ouais. Et en fait, donc, quand on a commencé à vraiment lancer le projet, on s'est dit, il faudrait qu'on demande un peu aux gens dans le coin, aux grimpeurs du coin et tout, ce qu'ils aimeraient. Est-ce que ça leur plairait? Est-ce qu'ils seraient chauds pour venir s'il y a une salle de bloc qui ouvrirait? En fait, on a eu beaucoup de retours sur le fait que les gens aimeraient aussi un mur à cordes, quoi. Et donc, du coup, dans le projet, là, on l'a un peu modifié. Et, du coup, maintenant, on va mettre une partie à cordes avec 10 ou 12 voix. C'est encore à définir réellement, mais voilà, quoi. Et là, du coup, c'est avec Arnais. On est encordé, quoi. Soit à deux, soit avec un descendeur automatique, c'est encore à voir, quoi. Mais... Voilà. Après, c'est vrai que ce mur à cordes, je dirais que c'est pas ce qui va prendre le plus de place dans la salle, et c'est vraiment pour pouvoir proposer de l'initiation, des manips de cordes, pour vraiment élargir un peu le public. Mais ça reste quand même principalement une salle de bloc. Mais voilà, ça permet aussi aux scolaires, aux centres aérés et tout ça, de pouvoir venir avec des groupes d'enfants et de pouvoir découvrir l'escalade, pas que sous sa dimension de bloc, mais aussi sous la dimension du mur à cordes, où là il y a quelqu'un qui grimpe, quelqu'un qui assure le grimpeur, il y a une question de confiance entre le grimpeur et l'assureur, enfin ça met en œuvre d'autres notions de l'escalade qui sont pas inintéressantes pour les enfants, pour les débutants, etc. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos différentes actualités. Donc on va écouter The Trashman Surfing Bird. J'ai un super accent anglais, n'est-ce pas? On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Mama. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Xavier, Tristan et Armand après avoir écouté cette petite chanson où je constate que le parolier a dû passer des heures et des heures pour faire cette musique. Open Block, c'est un lieu où on peut pratiquer l'escalade. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça ? De l'escalade en général, peut-être déjà, et puis après, plus particulièrement d'Open Block. Peut-être mais... de l'escalade dans les Vosges, pour l'instant, ce qu'il y a de... Ouais. Ce qu'il y a de présent, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup. Il y a quelques clubs d'escalade, donc, qui se pratiquent surtout en gymnase. Donc, c'est des horaires en soirée, souvent. Donc, il faut être adhérent du club. Ouais, pas tous les soirs, souvent pas le week-end. Avec des accès restreints, quoi. Voilà, et il y a beaucoup de demandes, on s'est rendu compte. Xavier, lui, par exemple, au Club des Lois, et il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Et puis, les retours qu'on a eus, c'est qu'il y avait, il y avait des difficultés à devenir adhérent parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Ouais, il y a des listes d'attente, notamment pour les enfants, pour qu'ils puissent intégrer un groupe d'initiation où il n'y a pas assez de bénévoles, il n'y a pas assez de créneaux, le mur n'est pas assez grand. Enfin bref, ça, c'est la queue. Pour essayer de grimper là-bas, faut être patient, faut attendre des fois plusieurs années. Moi, je l'ai vécu pour mes propres enfants. Les premières années, ils n'ont pas pu y aller. Après, le club a fini par mettre en place des créneaux, enfin, la possibilité aux parents qui sont autonomes, qui sont voilà compétents en escalade, d'emmener leurs enfants pendant des créneaux libre accès. C'est comme ça que j'ai pu emmener mes enfants un petit peu grimper au départ. Et puis après, petit à petit, quand il y a des places qui se libéraient dans les groupes pour enfants, ils ont pu intégrer des groupes. Et c'était laborieux. Ouais. Et je crois que c'est un peu la même problématique à Cornimont, au club de Cornimont. Et pareil, un peu Épinal. Enfin, on connaît pas tous les détails, mais on sait que voilà. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de demandes au niveau de la grimpe dans le coin pour faire de l'escalade. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'est dit que nous, le format de notre salle, ça serait... Donc ça serait une salle privée, donc un peu sur le même principe qu'un club de sport, une salle de fitness, ou... voilà, ou alors comme au ski en fait, on arrive et puis on paye son forfait pour la journée et puis on peut grimper toute la journée et voilà, puis après on proposerait des abonnements soit mensuels ou soit à l'année et donc la salle serait ouverte donc toute la journée, tous les jours, toute l'année quoi, en gros ça serait le principe. Avec en plus, on proposerait des cours donc avec des professeurs et donc toujours à côté ce petit coin bar restauration un côté chill pour se poser aussi voilà pour voilà. Se poser pour passer un bon moment. On veut pas créer qu'une salle de sport là où on arrive, on prend son sac, on se change, on grimpe, on prend une douche, on part. On veut créer un lieu de vie en fait où les gens ils aiment venir se passer un bon moment entre amis, en famille. Même si on n'est pas forcément grimpeur, on accompagne des gens et puis on peut rester dans les canapés à bouquiner, faire un jeu, à regarder celui qui grimpe, à boire un coup. Donc, Oui, c'est ça aussi qui est bien avec le bloc en fait, c'est que c'est accessible à tout le monde en fait. Même les gens qui sont pas sereins à grimper sur corde et à monter haut et qui connaissent pas les nœuds et tout ça, ben en fait ils peuvent aller directement juste grimper et s'amuser sur le mur de bloc quoi. Il y en a vraiment pour tous les niveaux quoi. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne a voulu faire de l'escalade et qu'elle n'a pas pu aller jusqu'en haut parce qu'elle avait le vertige ? Bah oui, ça arrive. Ça arrive. Après, le vertige, c'est une grande question. Hein. Il y en a qui ont vraiment une phobie et c'est très compliqué de la surpasser. Mais pour la plupart des gens, on dit qu'on a le vertige, mais en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas habitué. Et puis finalement, avec un petit peu de persévérance, on appréhende la hauteur et à un moment donné, c'est plus un problème, quoi. C'est une vraie habitude, oui, en fait. Le vertige, entre guillemets, là, ça s'habitue, c'est une habitude à prendre, quoi. Au début, on va aller un peu moins haut parce qu'on aura un peu peur. Après, plus on en fait, et moins on a le vertige. Ouais, c'est comme le vélo, hein. Au début, on n'arrive pas à tenir sur les deux roues, puis au bout d'un moment, on commence à avoir l'équilibre, et puis après, on prend de l'assurance, on va de plus en plus vite. C'est un peu pareil, hein, vraiment, je pense que... Mais tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas savoir comment... Est-ce que vous recevez du public en plusieurs catégories, par exemple les jeunes et les adultes chacun de leur côté, ou est-ce que vous recevez tout le monde en même temps ? Dans la salle de bloc, on fait pas de distinction. Hein. Tout le monde peut venir en même temps, tant qu'il y a de la place dans la salle. Après, ça n'empêche pas qu'on peut proposer des cours pour des débutants Dans ce cas, y a, la notion d'âge n'a pas forcément... ça dépend. Ça peut plutôt dépendre des disponibilités de chacun. Et par contre, on peut aussi proposer pour les scolaires, les centres aérés, etc. Et là, c'est sûr que c'est plutôt à destination des enfants. Mais, Et ensuite, dans la salle que... Dans le modèle de salle qu'on voudrait ouvrir, on aurait un espace quand même réservé aux enfants... vraiment une zone de bloc, donc je vous ai dit tout à l'heure que le bloc il montait à 4,50 m de haut, et là ça serait un bloc un peu moins haut, donc vraiment réservé aux petits quoi. Donc ouais, comme ça il y aurait une zone réservée vraiment aux enfants, ou vraiment aux débutants, très débutants qui ont peur un peu, mais globalement cette zone là elle serait réservée uniquement aux enfants, ce qui permet aussi pour les grimpeurs... qui sont confirmés que justement que ça puisse pas gêner en fait les deux pratiques quoi, les enfants qui veulent s'amuser et puis courir partout dans la zone enfant, et les grimpeurs confirmés qui veulent un peu performer et puis qu'ils aient pas peur de tomber sur un gamin qui court en dessous quoi. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est pratiquement le plus grand risque finalement en escalade de bloc et surtout en salle, c'est que les enfants ils font pas attention, ils ont tendance à courir sur les tapis, et s'il y a des gens qui sont juste en train de grimper au-dessus d'eux, s'ils tombent ils peuvent tomber sur un enfant. Donc l'idée d'avoir une zone vraiment dédiée aux enfants, ça permet aussi de voilà de canaliser un peu et de s'assurer que les enfants restent dans une zone et que ça vient pas trop qu'il y ait pas d'accident. Mais voilà, mais dans l'absolu enfin tout le monde peut venir grimper quand même, il y a forcément un endroit. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde reste mélangé, mais on peut avoir quand même des zones un peu réservées quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas exclusif quoi. Vous disiez qu'on pouvait prendre des cours, mais qui c'est qui s'occupe de ça? Par exemple, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Manon, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur? C'est Manon, peut-être tu peux en dire plus, mais... Ouais, bah en tout cas, pour le moment, ouais, Manon, ce serait Manon, en tout cas, pour l'instant, qui s'occuperait de cette partie-là, quoi. Parce que nous, on n'a pas les diplômes, on n'a pas les formations pour ça, donc... Voilà, après, Manon, elle est prof de sport, donc elle sera pas forcément dispo tous les jours, toute la journée, et du coup... On pense qu'on peut faire appel à des moniteurs, des intervenants extérieurs, quoi, qui seront diplômés et qui pourraient prendre en charge les cours pour les débutants. Pour les débutants, les écoles, enfin, les enfants, les adultes. Ouais. Est-ce qu'il existe plusieurs parcours? Ah ouais, bah alors l'escalade, toute une échelle de difficultés. Ouais. C'est bien cadré. Bon, on peut en parler 5 minutes, hein, mais en gros, l'échelle de cotation, c'est un mélange de chiffres et de lettres. En gros, ça commence à 3, ça finit à 9. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et entre chaque chiffre, il y a 3 lettres A, B, C. Donc 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Et tout ça, c'est une échelle de progrès de difficulté. Sachant que 3A, c'est ce qui est le plus facile et que 9C, aujourd'hui, il n'y a pas plus dur. Et après, il y a même des petites nuances avec des petits plus entre un 6A et un 6B. On peut avoir un 6A+. Mais voilà, après, il y a un côté assez subjectif. Dans la cotation, c'est le fait que plusieurs personnes répètent et donnent son avis sur la cotation qui permet de trouver un juste milieu. Et donc ça veut dire que dans une salle de bloc, en général, on parle pas trop de ces cotations là parce que c'est pas très ludique. On va plutôt parler d'un code couleur, un peu comme les pistes de ski. Et là, du coup, bah on a un petit affichage qui dit bah voilà, les pistes vertes c'est les plus faciles et les pistes noires c'est les plus dures. Et puis on fait des blocs avec des départs et une petite étiquette en bas du bloc pour dire pour donner une info sur le niveau de difficulté. Donc chaque voie, donc c'est des prises qui sont en résine ou bien en polyuréthane, en bois même parfois. Ouais, ouais. Et donc toutes ces prises sont vissées sur le mur et elles ont toutes une couleur différente. Et donc pour une voie, en fait, il faudra prendre que la couleur verte, par exemple, que les prises de la couleur verte pour faire cette voie qui sera cotée en piste rouge entre guillemets quoi, en 7A par exemple, je dis n'importe quoi. Et donc la voie d'à côté sera bleue, l'autre elle sera rose. Et donc c'est comme ça que on voit toutes les voies quoi différentes. Et du coup c'est vrai que c'est finalement pas la couleur des prises du bloc qui fait la difficulté, mais c'est plutôt la couleur de l'étiquette qu'on aura mis au niveau de la première prise pour démarrer le bloc. Parce que sinon on s'en sort pas. Enfin c'est quoi, en termes de logistique c'est compliqué. Et je voulais dire encore un truc. Bah après on les change régulièrement en fait. Exactement. Parce que par exemple là dans la salle, si admettons on a 80 voies de tous les niveaux, mais en fait on va pas les garder non plus pendant un an les mêmes 80 voies en fait. Donc après ça c'est encore à définir tous les combien de temps on va les changer, mais en gros on va régulièrement changer les 80 voies en fait pour que ben ça puisse changer, évoluer et voilà quoi. Et qu'il y ait du renouveau, que les clients ils s'ennuient pas, parce qu'à un moment donné les clients quand ils ont réussi à faire tous les blocs de la salle, ben ils reviennent pas s'il y a rien de nouveau, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt aussi d'une salle de bloc qui est un peu actif, c'est que, ben, les blocs, ils changent régulièrement, ça fait des nouveaux itinéraires, des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Des nouvelles façons aussi de grimper, parce que on n'a pas tous la même façon de grimper, les ouvreurs, parce que du coup, c'est des ouvreurs qui font les voies, et ils ont un peu chacun leur petit technique. Leur style. Ouais, voilà. Et du coup, ça permet de changer ça aussi, quoi. Et vous montez jusqu'au 9, je suppose? Non, Xavier, il monte jusqu'au 10, lui, non? Et il a gagné quand même le tournoi des vieux lézards, hein. Ouais, c'est les compètes pour les vieux, ça. Non, les 9, c'est les mutants qui font ça. Ouais, c'est clair. Ouais. À partir de 7A, on dit que c'est du sport, enfin, c'est sportif, c'est haut niveau, on va dire. 8A, c'est très haut niveau, et 9A, c'est extrême. Hein, donc, 9B, 9C, on n'en parle même pas. C'est une poignée de grimpeurs dans le monde qui savent faire ça. Des pros, donc. Ah, bah ouais, des pros. Ouais. Ouais. Il y en a quelques-uns qui commencent à gagner leur vie. Alors, ils sont pas aussi riches que les footballeurs, mais ils arrivent à vivre à peu près de leur activité. Ouais. Il y a des compétitions qui existent en escalade? Vas-y, qu'est-ce qu'il en parle? Bah c'est vrai que oui là depuis 2020 l'escalade est aux Jeux Olympiques d'ailleurs, donc c'est tout nouveau et il y a un gros entrain depuis des années, un gros engouement pour l'escalade en France et dans le monde même, je pense que c'est en partie aussi pour ça que maintenant c'est aux JO et on le voit nous dans notre travail au quotidien que les salles elles poussent partout en France, en Europe, dans le monde, c'est des salles qui ouvrent de partout, il y a de la demande et oui donc des compétitions, bah il y en a, il y a des Français qui sont très forts d'ailleurs, qui viennent de Colmar, qui ont leur salle à Colmar. Champion ou en tout cas dans le top mondial en vitesse. Il y a trois disciplines en fait en compétition. Il y a le bloc, ce que nous on veut faire là. Ce qu'on appelle la difficulté, donc c'est mur à corde, il faut du matériel, un baudrier, une corde, et puis une discipline qui est un peu plus récente qui s'appelle la vitesse, où on doit monter un mur de 15 mètres de haut en léger dévers. Les meilleurs aujourd'hui ils mettent moins de 6 secondes je crois, moins de 5 secondes. Ça c'est le côté un peu spectaculaire, c'est une discipline qui s'éloigne un petit peu de l'escalade tel qu'on peut l'imaginer, mais voilà, qui a permis aussi à ce sport de commencer à se faire connaître. Ouais, de se développer. J'imagine que ça demande une certaine forme physique pour faire ça. C'est beaucoup les bras qui travaillent. C'est vrai que c'est un peu un. C'est un peu un mythe. Ouais, c'est un peu tout le corps en fait. C'est tout le corps qui doit travailler après. Ouais, beaucoup de gainage. Après, c'est sûr qu'arrivé à un certain niveau, les gars, ils sont très forts aussi. Ils ont beaucoup de force dans les bras. Oui, il n'y a pas le choix non plus. C'est clair. Mais on peut te faire vraiment plaisir et grimper déjà dans du haut niveau, pas du très haut niveau, mais dans du haut niveau, sans avoir une force de mutant, quoi. Hein. Juste parce qu'on est très technique, parce qu'on a un bon gainage. Et au contraire, même des gens qui ont beaucoup, beaucoup de force, mais pas du tout de technique sur certains... En fait, c'est ça qui est subtil dans l'escalade, c'est que sur certains passages, certains mouvements qu'il faudra faire, on a beau avoir toute la force du monde, si on n'a pas l'équilibre et la technique, le placement, et ben on peut pas faire le mouvement. On pourra pas faire le mouvement. Alors que quelqu'un qui sera peut-être beaucoup moins musclé, ben il arrivera parce qu'il a cette technique là. La souplesse aussi. La souplesse, c'est ça. Plus souple, plus technique, finalement, on peut réussir à passer des mouvements que la personne très forte d'un point de vue musculaire pourra pas passer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, et sur les événements qu'on a déjà fait précédemment, il y en a beaucoup qui nous disent: "Ah, mais moi j'ai pas de force, j'arriverai pas à monter." Et en fait, c'est pas du tout l'élément principal en fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est un peu un mythe aussi, ça, de quoi. Il faut grimper sur. Faut être fort. Et vous mettez combien de temps à peu près en moyenne pour grimper un mur, vous? Ça dépend le mur. Ouais, ça dépend la longueur du mur. Après, un mur de vitesse, de toute façon, nous, on n'en fait pas tellement. C'est vraiment une discipline à part. Mais si on fait une grande voie dans les gorges du Verdon ou après, dans le Vercors, il faut pratiquement une journée pour faire la voie. Ouais. Et encore, on ne parle pas du Yosemite aux États-Unis où la paroi, elle fait 1 km de haut. Et là, il faut des fois plusieurs jours. Ouais. Et après, si on fait des voies d'une seule longueur qui peut aller 30, 40 mètres, ça peut aller de quelques minutes à un quart d'heure, une demi-heure. Mais ça reste un effort assez court. Et alors après, le bloc, quelques secondes pour le bloc. Alors, le bloc, ça peut être quelques secondes. Ouais. C'est moins d'une minute. Hein, ouais. En 4-5 mouvements, on est déjà au-dessus. Voilà, quoi. Et à Open Block, comment on doit s'habiller pour faire de l'escalade? Je suppose qu'on ne peut pas y aller en claquettes. Bon, ça pourrait être marrant. Hein, pour les énerver, il y a moyen, ouais. Mais justement, c'est aussi le nom qu'on a mis pour nos événements. En fait, on a appelé ça « Ramène tes chaussons ». Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de bien montrer à tout le monde que bah, on peut venir, même si on n'a pas de matos, on peut venir, les gens viennent grimper pieds nus, en basket. Enfin, il n'y a pas de... En schlop. Après, en schlop. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quand même mieux de grimper avec des chaussons d'escalade, quoi. Ouais, des chaussons et puis des habits un peu... souple, n'importe quel habit de sport, mais souple, quoi, ouais. Et ça ressemble à quoi, des chaussons d'escalade? Parce que quand on dit chaussons, moi, j'imagine presque des charentaises. Ah, bah, c'est pas du tout confortable comme des charentaises. Non, c'est l'inverse. C'est un peu comme des ballerines, quoi, on va dire, de danseuses étoiles, quoi. Ouais, mais avec, donc, un peu du caoutchouc au bout pour bien gripper au mur. Et les doigts de pied sont comprimés là-dedans. Donc, moi, je fais du 43, mes chaussons, ils sont en 40. Oula. Et du coup, ça fait tout égainé dans le chausson, ça fait un peu mal aux pieds, donc on les enlève vite une fois qu'on a fini de grimper. En général, les chaussons, ils ont une forme un petit peu pointue, quand même, plutôt vers le pouce du pied. Et comme c'est très serré, quand on met le pied sur même une toute petite prise, on peut pousser très fort, parce que comme on est bien comprimé dans le pied, on peut pousser très fort sur le pied. Et si on arrive à bien pousser sur les pieds, bah, on force moins sur les mains. Donc, Et voilà, donc il n'y a pas que les bras qui travaillent. Voilà. Et d'où l'importance d'avoir des bons chaussons et pas trop ample, parce que sinon on n'arrive pas à bien pousser sur les prises de pied. Et quelles sont les consignes de sécurité à suivre en escalade, que ce soit en escalade générale ou à open block? Moi je dirais qu'il y a deux principales consignes absolument à respecter. La première, c'est que avant de démarrer, je parle de mur à corde, hein, quand on a un harnais, une corde, c'est que le grimpeur doit vérifier que l'assureur a bien mis la corde dans son système d'assurage, et l'assureur doit vérifier que le grimpeur a bien fait son nœud et bien attaché sur son baudrier. Ça, c'est la première bien grosse consigne. Et la deuxième, c'est qu'au bout de la corde, on fait toujours un nœud, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer si la corde est trop courte ou quoi. La corde, elle peut s'échapper du système d'assurage, alors que s'il y a un nœud au bout de la corde, et ben forcément, ça va rester bloqué sur le système d'assurage. Ça, c'est les principales risques d'accident, c'est ça. C'est corde trop courte ou nœud mal fait, ou système pas bien, la corde pas bien installée dans le système d'assurage. Donc, s'il y a deux consignes à respecter, c'est se vérifier mutuellement et avoir un nœud au bout de corde. Après, pour le haut niveau du bloc, il faut surtout faire attention à son environnement, à celui qui grimpe à côté de soi. Et quand on grimpe, faire attention qu'il n'y ait personne en dessous. Quand on est en bas, montrer un peu l'exemple et dire ne va pas en dessous du bloc parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter. Donc s'il chute, faut pas que tu restes en dessous. Donc il faut toujours rester un peu en arrière du bloc pour justement laisser la voie libre à ceux qui grimpent et qui puissent tomber en sécurité, quoi. Et j'ai presque envie de dire, en bloc, le risque aussi, c'est de se blesser. Comme c'est une activité qui est très, la difficulté est concentrée sur quelques mouvements, donc c'est très intense comme mouvement, et il faut bien s'échauffer avant de commencer à faire des blocs durs, quoi. Oui, même pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, mais c'est encore plus vrai en bloc parce que c'est très tonique et on peut très vite se blesser, sans tomber, du coup. Et qui gère toutes les séances d'escalade? Est-ce que vous vous relayez? Tenir la salle, parce qu'il y a plusieurs questions là-dedans, c'est pour tenir la salle. Nous, dans un premier temps, on va essayer, quand la salle sera ouverte, de se répartir les créneaux d'ouverture pour que ce soit pas toujours les mêmes qui soient là du matin au soir. On sait encore pas trop comment on va faire, surtout que voilà, on garde nos activités respectives dans un premier temps, parce que voilà, on se lance quand même dans une aventure, on sait pas trop où ça va nous mener. Et par contre, pour la partie des cours, pour les cours ou pour les créneaux de petites grimpes qu'on va faire là, c'est Manon. Ah, c'est peut-être ça là, c'était ça la question. En tout cas, c'est les premiers créneaux qu'on va faire là dans les trois prochaines semaines. Du coup, ce sera Manon et moi qui allons ouvrir la salle, quoi. Mais après, quand la salle sera ouverte l'année prochaine, défini. Mais il y aura un système de réservation pour les groupes et les leçons et tout ça, quoi. Ça reste à définir plus dans le détail. Mais... Ouais. J'ai vu via votre site que vous proposer un espace bar et restauration rapide. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Pour l'instant, donc dans le futur, effectivement, on va proposer donc un bar restauration. L'idée, ouais, c'est de proposer quelques boissons, de la bière et puis des softs, des jus de fruits. On essaye de travailler surtout avec des producteurs du coin. Pour l'instant, on travaille avec la Madelon qui est en face de chez nous et on peut pas faire plus local, pour le coup. On traverse la rue. Traverse la rue pour aller chercher un fût de bière. Là, le circuit court, il marche à fond, là. Ouais, c'est bien pratique. Voilà. Et donc, pareil, ils nous fournissent aussi des limonades, des colas, des diabolos, etc. Et au niveau restauration, on proposera... Du snacking, quoi. Ouais, des petits plats sympas. Ouais, des petits planches apéro, des menus un peu sur le pouce, quoi. Donc ça encore, ça reste à définir. Mais en tout cas, pour l'instant, pour les événements qu'on a fait depuis le début sur Ramène tes chaussons, on a fait des menus différents à chaque fois. Donc la première fois, on avait fait des tartes flambées. La deuxième fois, on avait fait des grillades. Et la dernière fois, là, donc on avait fait un menu vosgien, menu du terroir. Donc on proposait la bonne bouffe de chez nous, quoi. Et bah voilà, on va essayer de changer un peu à tous les événements, donc cette restauration, cette buvette. En essayant toujours de prendre des fournisseurs locaux. La dernière fois, c'était la ferme du Lejol, par exemple, à Gerbamont. Et du coup, en fait, donc sur ces événements de Ramène tes chaussons, c'est vraiment la buvette et la restauration. Vu qu'on fait une entrée libre, donc c'est gratuite pour tout le monde. En fait, c'est grâce au soutien donc des gens qui achètent un peu des boissons et des repas que ça nous aide à pouvoir financer notre projet plus tard. Donc merci aux gens qui sont venus et merci aux prochains qui viendront. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Voilà. Et la restauration rapide, c'est un peu la récompense après l'effort, du coup. Ouais. Bah c'est ça, et même pas forcément. S'il y a des gens qui veulent venir manger sans grimper, ils sont les bienvenus. Après, pour la récupération, une petite bière après l'effort, c'est pas mal aussi. Mais c'est vrai qu'on en revient que finalement, avoir la salle d'escalade et le bar et la restauration, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Tristan, c'est d'avoir un lieu de vie où les gens, ils se plaisent d'y venir, même si c'est pas des grimpeurs, ou même si, voilà, ils peuvent y aller, même si c'est des grimpeurs, mais ils peuvent y venir de temps en temps, même sans grimper. Mais on aimerait bien pouvoir organiser régulièrement des événements, faire venir des conférenciers, toujours un peu autour de la montagne et de l'escalade. Peut-être un concert de temps en temps, une soirée projection d'un film de montagne. Enfin, voilà, faire des événements réguliers comme ça, et pour vraiment créer et développer ce lieu de vie. En plus, on a la chance dans le bâtiment qu'on a, là, on a une cour intérieure, on a un grand préau. On peut imaginer faire des choses dehors, ça c'est ça a pas de prix quoi, c'est génial. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Toots and the Metals et The Doors. On se retrouvera juste après sur le 107. Oh, Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Nous sommes de retour avec Xavier, Tristan et Armand sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors vous êtes trois personnes, chacun a choisi sa pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux à tour de rôle ? Moi j'ai choisi la première, la Surfing Bird. Je la trouve marrante, du coup, voilà. C'est toi qui as pris la deuxième, non? Ouais, moi j'ai choisi Louis de Toots and the Metals parce que ça fait des années que j'écoute Toots, j'adore ce groupe. Et puis c'est une petite chanson qui m'a rappelé un peu mon voyage aussi. J'ai voyagé pendant plusieurs années, en fait, celle-là elle me rappelait les potes, donc voilà. Et vous Xavier du coup? Ouais, bah moi en fait, j'ai toujours été plutôt intéressé par le vieux rock des années 70 là, et les Doors, c'était quand même un de mes groupes préférés, et surtout moi ça me rappelle plein de souvenirs d'escalade, parce qu'avec mes potes on était tous fans de ces musiques là, et on écoutait ça sur la route pour aller en falaise et aller grimper, et pendant des heures on se passait toutes ces musiques là, et celle-là c'était une de nos favorites, voilà. La voix de Jim Morrison est assez mystique, je trouve. J'ai eu ma période aussi The Doors, j'aimais bien Whiskey Bar moi. Et pourtant je ne bois pas une seule goutte d'alcool. Alors vous avez organisé un événement le 17 juin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Le 17 juin, donc c'est des événements dont Ramène tes chaussons, ça s'appelle, c'est le titre des événements. Comme je disais, ouais, donc c'était le troisième événement qu'on organisait, donc il y en a eu un premier en avril, un autre en mai, puis bah, le troisième là, qui était en juin. Le prochain, il est prévu le 8 juillet d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait de venir. Et donc bah voilà, c'est je me répète un peu, mais donc c'était voilà pour parler de notre projet. Donc on a en accès libre donc un mur de bloc, on a un petit mur à cordes aussi qui fait 6 mètres, donc où tout le monde peut venir essayer l'escalade, que ce soit donc encordé sur le mur de voie ou alors en bloc sur le mur de bloc. On a un petit on a des jeux en bois donc qu'on emprunte à la ludothèque, donc plein de jeux en bois où tout le monde peut s'amuser avec, donc c'est un peu les jeux flamands. Il y a plein de sortes de jeux divers et variés, donc qui sont en accès libre aussi. On peut faire une pause entre deux voies quand on a mal au bras et faire un petit jeu, ouais. Ah, on va pas entendre grimper, voilà, c'est ça. Et puis les enfants aussi ils kiffent, ouais, c'est clair. Et il y a un petit stand explicatif, on a appelé ça, donc il y a un petit diaporama qui tourne qui explique un peu la jeunesse du projet, comment il a démarré et puis ce qu'il va donner. Donc on a des plans d'architecte, des vues 3D sur comment sera la future salle, donc c'est bien, ça permet un peu de se projeter dans cette future salle. C'est vraiment bien foutu. On parle de nous, les quatre associés de Open Block, donc Manon, Tristan, Xavier et Armand. Et du coup, en plus de ça, donc on a le petit espace bar restauration où là on peut faire une grosse pause avant de retourner grimper. Voilà, c'est ça. Donc qui est ouvert donc le midi et le soir, et puis bah toute la journée en fait. Donc les horaires c'est 10h à 23h. Alors voilà, vous êtes tout le monde est libre de venir en famille, entre amis, grimpeurs ou non grimpeurs, grimpeuses, non grimpeuses, curieux, voilà, ou les curieux, les assoiffés, les enfants, les affamés, les enfants, les grands-parents. Parce qu'il y a aussi un petit bloc à l'extérieur, ah, oui. Qu'on met à l'extérieur. C'est un petit bloc pour vraiment les tout petits en fait. Et là c'est pareil, il y a des petits tapis de réception et ils montent à 1 mètre, ouais, 2 mètres, un peu plus, 2 mètres quoi. Ouais. Et voilà, ils aiment bien aussi. Ouais, les bambins, ils aiment bien. Ouais. Ouais, ouais. Et aussi, parce qu'il y a aussi, c'est qu'on a des craies, des grosses craies là, et les enfants, ils dessinent sur la cour intérieure. Là, on a une grande dalle en béton, et toute la journée, toute l'après-midi, ils dessinent, font plein de dessins avec les craies. Ah ouais, ils font de la déco à fond. Ouais. Ça, c'est trop rigolo, ça. Ils veulent nous mettre des petits messages et tout. C'est cool. Et comment ça s'organise de tels événements? Ça prend du temps, non? Oh ouais, ça prend pas mal de temps. Surtout le premier en avril, où il a fallu qu'on débarrasse pas mal le bâtiment, après qu'on installe le mur, qu'on fabrique un bar, qu'on fabrique le bar, la cuisine. Le premier événement nous a pris pas mal de temps, j'avoue qu'on était même un peu débordés. On était épuisés. Ouais. Et maintenant, bah là, avec le troisième événement, on est quand même déjà un peu plus organisé. On a pu reconstruire de murs pour la semaine d'avant et tout. Donc ça va quand même un peu mieux par rapport au premier, quoi. C'est vrai, au début, on avait mis plein d'ambitions. On s'est dit à chaque événement, on va faire un truc nouveau. Vu qu'on a nos activités respectives à côté, en fait, c'est dur de tout concilier, de tout arrêter pour faire que ça, quoi. Donc on essaie Et on a une grande chance et on l'a remerciera jamais assez, c'est tous nos copains et bénévoles là, qui viennent nous filer des coups de main tout le temps, parce que ils sont très contents du projet, et franchement heureusement qu'ils sont là, parce que nous juste à 3-4 là on n'arriverait jamais à rien faire, et ils nous offrent une aide mais incommensurable, et on les remerciera jamais assez, je pense. Surtout pendant l'événement, ils sont à chaque fois une dizaine, et le jour d'avant, il y a eu de l'aide de partout, super, donc ça fait plaisir d'avoir toute cette énergie, cette volonté, puis c'est des bénévoles en fait, hein, donc ils sont là juste pour nous aider pour notre projet et... Ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que vous aviez ou est-ce que vous avez encore des partenaires pour tout ça? On a BBB équipement. L'entreprise de Xavier qui nous aide pas mal. Ouais. Bah, en fait, l'offre, généreusement le mur de bloc, quoi. Donc, c'est, donc ouais, ça, ouais, c'est quand même. Ouais, j'ai mis à disposition le mur de bloc, là, ouais. Ouais. Mais, non, mais, en dehors de ça, il y a aussi quand même, notre archi, il fait, ok, c'est quelqu'un qui fait de l'escalade et qui nous accompagne sur le projet global, salle d'escalade plus plan, enfin permis de construire. Et puis surtout, il fait un peu plus que ça. Enfin, il est à fond dans notre projet. Et il nous donne un peu plus de temps que ce qu'il devrait, je pense. Et il y a aussi Gauthier Super qui est distributeur et fabricant de prises d'escalade, ouais. qui va nous rendre visite au dernier événement. Au dernier événement, faut qu'on en parle d'ailleurs. Et Gauthier Super, c'est quelqu'un qui est un sportif de très haut niveau, qui a fait des podiums de Coupe du Monde il y a quelques années en arrière, et qui maintenant a développé sa propre marque de prise d'escalade. Il sera présent au dernier événement, puis il nous accompagne, il nous donne un peu des prises, il nous fait des super prix sur la prise d'escalade. Enfin voilà. Il y a aussi les frères Georges. Les frères Georges, ouais, carrément. Tommy et Titouan, ouais. qui font les ouvertures avec Manon. Ouais. Donc les ouvertures, ouais, c'est les professionnels qui viennent positionner les prises sur le mur pour faire les itinéraires. Et donc c'est eux qui définissent si ça va être une voie facile ou une voie difficile. Et eux, c'est vraiment leur travail à longueur d'année, entre guillemets, c'est d'ouvrir les voies, on appelle ça. Donc c'est vraiment de créer les routes, quoi. Et c'est deux bons grimpeurs vosgiens d'origine des Vosges, là, du Club des Lois d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ils sont aussi super contents de voir enfin une salle d'escalade dans les Vosges. Bah oui, il y a aussi le club des Lois et de Cornimont, qui nous aide aussi. Le club des Lois nous ont prêté des baudriers la dernière fois. Des prises aussi. Le club de Cornimont, il y a des jeunes du club de Cornimont qui sont venus nous aider aussi un peu à ouvrir à un moment donné avec Manon. Et puis il y a Floriane aussi qui travaille beaucoup avec nous, là, qui est chargée de la communication. Donc elle travaille de l'ombre, mais c'est pareil, elle nous drive bien. Ouais, elle fait pas que la com, elle nous drive bien aussi. Elle nous recadre quand il faut, quand on commence à partir dans tous les sens. Et je pense que sans elle, les événements seraient pas comme ça. Quoi, Moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, hein, c'est que le projet aurait jamais eu l'ampleur qu'il a là, cette ampleur-là, s'il avait pas été là. Hein, c'est sûr que là. Donc on est quand même bien entouré, et on a de la chance là-dessus. Et si on parlait maintenant de votre actualité, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, les prochaines choses qui vont se passer, déjà c'est donc à partir de lundi prochain, pendant 3 semaines, il va y avoir on va faire des petits créneaux de grimpe. En fait, c'est les 3 prochains lundis et les 2 prochains jeudis. Voilà, ça s'appelle les petits créneaux à Open Block. Voilà, et donc ça, c'est des créneaux de 3 heures à 5 euros l'entrée. Et ce sera soit Manon, soit moi qui viendront ouvrir la salle pour grimper. En libre accès, quoi. Un peu en mode, comment ça pourrait fonctionner une fois que la salle serait ouverte. Oui, voilà, on vient, on paye notre entrée et après, on grimpe, on boit un coup, on fait un peu, voilà, quoi. Et ensuite, il y a le prochain événement, donc le 8 juillet. Donc là, c'est pareil, ça va être comme les 3 premiers. Donc c'est entrée libre. Sauf que là, c'est toute la journée, 10h à 23h. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le 8 juillet, il y en a un autre encore au mois d'août et le dernier, donc au mois de septembre. Et du coup, là, pour le mois de septembre, donc c'est le 23 septembre, là, on veut faire un truc quand même un peu plus gros. On veut marquer le coup, et pour notre dernier événement, alors là, en fait, donc ça va rester sur le même principe que les 5 événements précédents qu'on aura fait, donc les samedis, là, donc ramène tes chaussons. Et donc là, ça sera ramène tes chaussons numéro 6. Et on a prévu, du coup, pour marquer le coup, donc d'organiser, donc il y aura Gauthier Super qui sera là, donc on veut organiser une petite compétition amicale, en fait, donc pour les grimpeurs qui veulent un peu se challenger, performer, se challenger entre eux. Et faire un peu de spectacle pour les non-grimpeurs. Un peu de spectacle, voilà. Et donc on veut organiser aussi un concert d'organiser, donc on vous dévoilera un peu tous les détails dans les semaines qui viennent. Mais donc pour notre dernier événement, le numéro 6, avant d'arrêter donc tous ces événements pour justement se concentrer sur la fabrication de la salle et la mise en place des infrastructures et les travaux définitifs avant ouverture, la vraie ouverture entre guillemets, on veut marquer le coup là le 23 septembre et donc terminer en beauté cette série de 6 événements, ramène tes chaussons, quoi. Je vous ai entendu parler en aparté de tartiflette pour le moment de septembre. Alors on sait pas si on fait une tartiflette, mais on a une grosse poêle, donc si c'est une tartiflette, une mince tiflette peut-être même, ça serait mieux. Mais en tout cas, on aura de quoi régaler les estomacs de tout le monde. Quels sont vos futurs projets avec Open Block? Bah, du coup, déjà de pouvoir ouvrir l'année prochaine. Donc, bon, la date exacte, on ne sait pas encore. Là, on est un peu dans tout ce qui est rétro-planning et tout ça. On est en train de mettre ça en place. Donc, on espère en mai, ce sera peut-être septembre. C'est à voir, quoi. C'est encore. Mais déjà d'ouvrir. Ouais. Et après, ben voilà, voir si tout se passe bien. Si voilà, après. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, on verra bien. Peut-être qu'on pourra agrandir, mais ça, c'est pas l'objectif. Quoi. Déjà d'ouvrir et que pas mal de monde vienne et soit content et grimpe et se fasse plaisir, c'est l'objectif principal. Si on arrive à créer des événements réguliers dans la salle quand elle sera ouverte. Ouais, faire quelques événements sur la montagne, l'escalade et tout, ça nous ferait bien plaisir aussi. Ouais. Mais voilà, je pense que chaque chose en son temps. Premier objectif, ouvrir la salle et après on verra. S'il y a des banques qui nous écoutent d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Prêt à taux zéro, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les trois et à Open Block? Bah, déjà qu'on se prenne pas trop la tête, que tout roule bien, qu'on pète pas un plomb, quoi. Ouais. C'est tout ce que je nous souhaite, quoi. Parce que on prenne pas la grosse tête. La grosse tête, qu'on reste comme on est. On est quand même on est assez simple, on n'a pas besoin de grand chose, nous, du temps qu'on est entre copains et puis que les gens se fassent plaisir à la salle. Que les gens se fassent plaisir, ouais. Ça c'est notre plus grande récompense, là, quand on voyait tout le monde super heureux de voir ça et tous les bons retours qu'on a de toutes les personnes qui sont venues, et merci à tous ceux qui sont venus parce que grâce à leurs retours et tout, on voit que ça plaît et nous ça nous motive encore plus pour faire quelque chose de bien, donc c'est super. Ouais, on fait pas ça pour rien, donc c'est cool. Ouais. Bah, cette émission est maintenant terminée. Xavier, Tristan et Armand, merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci à vous. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ah bah, avec plaisir, sans problème. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.